Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Pourquoi as-tu peur de l'accouchement? Le médecin t'a dit que ton accouchement est difficile parce que le bébé est dans une mauvaise position. Mais moi, j'aimerais déclarer que ton accouchement sera normal. Et que cet enfant, c'est un enfant qui viendra donner la joie à toute la famille parce que l'Éternel est avec toi. Le diable a tout fait pour que tu ne puisses pas avoir cette grossesse. Mais tu as vu la main de Dieu et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Réveille-toi. Tu vas commencer à dire merci à Dieu parce qu'il a déjà agi. Réveille ton mari. Réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire aujourd'hui Éphésiens chapitre 6, 14 à 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons donc Éphésiens 6, 14 à 20. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Nous allons aujourd'hui parler des armes spirituelles. Hier, nous avons vu l'importance des armes spirituelles, mais aujourd'hui, nous allons voir les 7 armes importantes dont chaque chrétien devrait se revêtir. La première arme, c'est la vérité pour ceinture. Vous voyez, nous devons non seulement dire la vérité, mais nous devons savoir que la vérité incarnée, c'est la personne de Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Tu dois donc t'accrocher à Jésus-Christ, celui qui est la vérité. En dehors de Jésus, c'est le mensonge. Et tu dois te revêtir. Il faut que Christ soit pleinement, dirige pleinement ta vie et que tu vives, tu marches et tu proclames la vérité. Refuse tout ce qui est mensonge du diable. Deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est cette armure qui protège tous les organes sensibles. Vous voyez, les gens se revêtaient, les soldats romains, ils portaient la cuirasse comme anti-balles, ça protège toutes les zones sensibles, le cœur, le foie, le poumon, ainsi de suite. C'est pour les chrétiens, la cuirasse, la justice. La justice, d'abord, que Jésus-Christ te confère. Lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, ça c'est la justice positionnelle. Mais la justice pratique, c'est la vie de sanctification. Lorsque, par exemple, tu commets un péché, laisse-moi te dire, c'est comme si ta cuirasse devient un peu trouée. Vous voyez, lorsque l'ennemi va tirer, ça risque de t'atteindre. C'est pourquoi, lorsque tu commets un péché, il faut rapidement le confesser et demander au sang de Jésus de te purifier et tu te réveilles, tu portes la cuirasse de la justice. Lorsque tu laisses un péché pendant longtemps sans le confesser, c'est comme si tu n'as plus de protection. Là, tu deviens vulnérable. Est-ce que tu comprends, mon ami? C'est pourquoi, regarde bien, les maladies dont tu souffrais là, à un moment donné, ces maladies ont disparu. Mais qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Parce que tu es colérique. Parce que tu commences aujourd'hui à te compromettre. Tu commences encore à fumer. Hein, mon ami, je parle à toi. Tu fumes en cachette. Ta fiancée t'a dit qu'il faut laisser ça. Tu ne veux pas comprendre. Comment est-ce que tu seras victorieux sur l'ennemi alors que tu ne marches pas dans la justice? Tu ne portes pas la cuirasse de la justice. Troisième arme, les chaussures. Ici, c'est les zèles que donne l'évangile de paix. Vous voyez, un soldat doit porter toujours des chaussures. Il y a des chaussures spéciales avec lesquelles tu peux marcher même sous les épines. Les chaussures pour les chrétiens, c'est les ailes de l'évangile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois être en mesure de partager la parole de Dieu, d'évangéliser les autres. Cela n'est pas seulement réservé aux pasteurs ou aux évangélistes, tu vois. C'est chaque chrétien qui doit être zélé pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Tu as des amis qui ne connaissent pas Jésus. Au lieu que ses amis t'influencent, c'est toi qui dois prendre les devants pour commencer à leur parler de Jésus. Est-ce que tu comprends? Tu dois évangéliser même dans ton milieu du travail. Tu dois évangéliser même dans ta famille. Tu dois être zélé. Quand tu étais dans le monde là, regarde comment tu étais zélé. Lorsqu'il y avait un concert païen, c'est toi qui mobilisais tout le monde. Tu mobilisais tout le monde, même au village. Mais maintenant que tu es en Jésus, pourquoi tu n'utilises pas ces talents, ces ailes que tu avais pour mobiliser les gens pour la cause de Jésus-Christ? Regarde comment tu es zélé pour ton parti politique. Pendant la campagne électorale, tu as mobilisé beaucoup de gens. Ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, ton vrai parti, c'est le parti de Jésus. Combien de gens tu mobilises pour la cause de Jésus? Tu vois, c'est ça les ailes que tu dois porter. C'est ça les chaussures que tu dois porter. Lorsque pendant des mois et des mois, tu ne parles plus de Jésus, c'est comme si tu n'as plus de chaussures. Quatrième arme. Il faut porter les boucliers de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Vous voyez, quand on a par exemple la brigade anti-émeute, vous voyez, le policier, il porte les boucliers. De telle sorte que quand par exemple il y a une insurrection ou bien il y a des gens qui vont lancer des pierres, il faut barrer avec les boucliers. Et ici, pour les chrétiens, les boucliers, c'est la foi. La foi, c'est avec ça que tu peux éteindre les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, c'est quoi? Ça commence au niveau des pensées. Lorsque tu vis des moments difficiles, le diable va commencer à t'injecter des mensonges. Il va te dire, ah, est-ce que Dieu t'aime? Toi, tu risques de mourir. Toi, tu risques de mourir pauvre. Hein? Il faut faire comme les autres. Toi, tu es une jeune fille, regarde. Vraiment, si tu marches dans la sainteté, tu risques de manquer de mari. Hein? Il faut faire comme les autres. Il va te dire, ça, ce sont des traits enflammés pour que tu puisses dévier. Mais lorsque tu as la foi, comme Abraham, Abraham, il a espéré contre toute espérance. Dieu lui a dit que Sarah aura un enfant. Je vais parler à une dame. Ta foi commence à chanceler parce que tu n'as pas d'enfant. Tu dis, ça fait plus de 5 ans. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fille de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il réalise. Tu auras l'enfant. Ne te préoccupe pas. Ne baisse pas les mains. Ça fait longtemps que tu ne vas même plus à l'église. Non, reprends le chemin de l'église et tu verras la main de Dieu. Ta foi est en train de chanceler. Ton bouclier est en train de tomber. Il faut porter ce bouclier de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Lorsque tu commences à côtoyer le milieu mondain, il commence à te raconter des histoires qui détruisent ta foi. C'est comme si tu es en train de laisser par terre ton bouclier. Je parle à toi, mon ami. Regarde, toi tu es marié. Mais tu commences à côtoyer des amis du monde. Et ces amis du monde commencent à te dévier de la foi chrétienne. Toi, tu as grandi dans l'église. Tu étais au niveau de la jeunesse. Tu as participé à plusieurs camps bibliques. Tu connais que c'est le Seigneur qui bénit. L'élévation vient de Dieu. D'où vient maintenant que tu commences à côtoyer des amis qui veulent t'éloigner? Parce que tu commences à manquer de foi. Ils t'ont dit que pour être nommé, il faut faire telle chose, des choses compromettantes. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Donc, tiens ferme. C'est ton bouclier là. Quand les traits enflammés, les mauvais conseils vont venir, les pensées négatives, si le bouclier est là, tu vas repousser ça. Tu vas dire que Dieu est fidèle. Tu vas t'accrocher aux promesses divines. Quatrième, cinquième arme, c'est le casque du salut. C'est-à-dire quoi? Il est dit ici, au verset 17, « Prenez aussi le casque du salut. » Le casque du salut ici, c'est l'assurance du salut. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont même pas l'assurance qu'ils sont sauvés. Il y a ceux qui pensent que dès qu'ils pêchent, ils ont perdu leur salut. Jésus n'est plus avec eux. C'est une stratégie de l'ennemi. Hein? Quand Satan tentait Jésus dans le désert, il lui disait, si tu es le fils de Dieu, c'est pour créer le doute. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu penses qu'un chrétien ne peut pas vivre des moments d'épreuve? Et que si tu vis des moments d'épreuve, c'est que Jésus n'est plus avec toi? Tu dois être rassuré. La Bible dit Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela, dit Jean dans son épître, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc il faut que tu aies cette certitude qu'il pleuve, qu'il neige, que malgré les temps difficiles, Jésus est avec toi. Ton nom est inscrit dans les livres de vie. Ça c'est le casque. Tu vois, le militaire porte des casques, c'est pour protéger la tête. Lorsqu'une balle vient, le casque va repousser la balle. Sixième arme, c'est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Vous voyez, toutes les autres armes que nous venons de voir, ce sont des armes défensives, c'est-à-dire pour se défendre. Mais l'épée, c'est l'arme d'attaque, l'arme offensive. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu dois faire des études bibliques. Tu dois être enseigné. Lorsque tu connais la parole de Dieu, lorsque le diable viendra, tu vas commencer à dire comme Jésus, il est écrit. Quand quelqu'un va te dire, avant de te marier, il faut essayer pour savoir si la femme va te donner d'enfant ou non, tu vas dire, il est écrit. Toutes tes relations sexuelles, hors mariage, c'est l'impudicité. Il est écrit, fouillez l'impudicité. Tu vois, il faut connaître la Bible. Je parle à toi, ma soeur. Toi, tu aimes trop des visions. C'est ça ton problème. Tu dis, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Les visions là, tes visions là, ça te mélange. Est-ce que tu comprends? Tu dois connaître d'abord la Bible. Lorsque tu connais la Bible là, c'est la Bible qui va t'aider à vérifier si les visions que tu as, ça vient de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est là avec la Bible, la parole de Dieu, que tu peux combattre même les démons. Tu peux les chasser. Et la dernière arme, c'est la prière. Là aussi, c'est une arme d'attaque. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 18. Faites en tout temps la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Le verset 17 dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez, l'épée là est capable de transpercer l'ennemi. L'épée. La Bible nous dit que la parole de Dieu est plus pénétrante qu'une épée quelconque à double tranchante, capable de séparer âme, esprit, jointure et moelle. Il faut que tu portes ton épée, ma sœur. Porte ton épée pour frapper l'ennemi. Il y a des versets bibliques, lorsque tu vis dans un moment difficile, tu prends ces versets là, tu proclames devant l'ennemi, il va fuir. Et dernière arme, c'est la prière. Il est dit au verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Vous voyez, c'est-à-dire que la prière même, c'est le moyen, l'arme par excellence, le dispositif qui nous permet même d'utiliser efficacement toutes ces armes-là. La prière, ces derniers temps, tu deviens faible. Ça fait combien de temps tu supplies au Esprit? Il dit, faites en tout temps, c'est-à-dire en toutes circonstances, toutes sortes de prières, par l'Esprit. Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans la vie de prière. Est-ce que tu comprends cela? Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Lorsque tu pries là, tu dois prier pour toi-même, mais tu dois prier aussi pour les autres. Apprends à intercéder pour ta famille. Apprends à prier même pour les serviteurs de Dieu, pour ton pasteur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. » Même nous, l'équipe OSB, priez pour que lorsque nous parlons, que le Saint-Esprit nous utilise, il faut prier pour que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions le louer en chantant ces cantiques. Jésus est puissant, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Seigneur, élève ta voix, bénis le nom du Seigneur, dis-lui merci pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour toi. Amen. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Le texte du jour, c'est Éphésiens 6, 14 à 20. Ce passage nous parle des armes spirituelles du chrétien. Nous venons de voir plusieurs armes, mais je voudrais insister sur la cuirasse de la justice. Lorsque tu commets un péché, ta cuirasse devient trouée. Tu n'es plus protégé. Je vais demander à chacun maintenant, lorsque tu reconnais que tu as failli, tu es tombé, demande pardon, prie pour que Dieu te purifie par le sang de Jésus-Christ et porte de nouveau cette cuirasse de justice. Décide de mener une vie de sanctification, une vie de pureté. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche. Très excellent Père, c'est un privilège pour nous ce matin d'invoquer ton nom. Un privilège parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous nous sommes endormis lorsque nous nous sommes couchés hier. Et ce n'est pas par nos propres forces que nous nous sommes réveillés ce matin. Ce n'est que par ta grâce. Et nous exprimons notre reconnaissance pour cette grâce et ce privilège que tu nous donnes chaque jour. Nous exprimons notre reconnaissance et pour nos forces qui sont renouvelées chaque matin. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que tu fasses en sorte que nous soyons toujours revêtus de la cuirasse de la justice. Que ta justice soit une réalité dans notre vie. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons que tu nous donnes de l'humilité, que ces vertus d'humilité soient véritablement ancré en nous, parce que tu dis également dans ta parole que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les abandonne prospère. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que cette vertu d'humilité soit en nous, afin que nous puissions toujours confesser nos péchés, afin que nous puissions toujours nous débarrasser de tout fardeau qui ne t'honore pas et qui nous empêche de nous épanouir spirituellement. David a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous demandons au Père éternel que chaque jour un esprit bien disposé soit renouvelé en nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Merci Père éternel pour ces éléments de justice, pour la cuirasse de la justice qui nous protège, qui nous sécurise à tous égards. Merci Père éternel parce que nous sommes protégés et nous sommes scellés en toi. Ton nom est une tour forte. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir également que l'une des armes, c'est les chaussures ou les ailes d'annoncer l'évangile. Beaucoup de chrétiens n'annoncent plus l'évangile. Ils ne sont plus préoccupés par l'évangélisation. Il y a des amis, des parents qui ne connaissent pas le Seigneur au milieu du travail. On parle de tout, on parle de matchs de foot, on parle de politique, mais on ne parle pas de Jésus-Christ. Donc, il faut que ce matin, tu puisses porter encore ces ailes. Prie le Seigneur pour dire, Seigneur, laisse-moi, je voudrais porter encore ces ailes. J'aimerais que tu m'utilises pour annoncer l'évangile à ceux qui ne te connaissent pas. Prions le Seigneur. Merci ce matin pour ce rappel. Ce rappel où tu nous dis que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. D'aller envahir le monde et annoncer la bonne nouvelle. Nous voulons te prier ce matin que le zèle de l'évangile embrase tous les militaires chrétiens, embrase tous les instituteurs chrétiens, embrase tous les enseignants, tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, qui sont des enfants de Dieu partout où ils sont, tous les fonctionnaires, tous ceux qui sont dans le privé, tous ceux-là que tu as envoyés dans le monde en tant que missionnaires, qui sont chrétiens, notre Dieu, que le zèle également de l'évangile embrase les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les enfants, les familles, dans les quartiers où nous sommes, afin que ces quartiers soient envahis, soit inondé, soit rempli, ô Seigneur, partout où nous sommes, les commerçants, dans le marché, ô Seigneur, manifeste ta grâce, tous les chauffeurs, tous ceux-là qui ont une responsabilité, qui ont une activité, nous te demandons d'intervenir, que le zèle de l'évangile nous envahisse, maintenant même, afin que la honte soit ôtée du milieu de nous, la peur des hommes soit ôtée du milieu de nous, que chacun puisse entendre ce message de paix, ce message de joie, ce message de bonne nouvelle. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons aussi prier pour que nous puissions nous revêtir de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oui. Prions pour que Dieu suscite en nous la soif d'étudier la Bible, de suivre les enseignements, pour que nous soyons équipés, même dans le ministère. Il faut que nous puissions connaître la parole de Dieu pour bien servir le Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père, nous bénissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Père en Christ. Nous exaltons ton nom parce que tu nous as donné ta parole. Et c'est par cette parole-là qui est notre boussole, cette parole créatrice, cette parole curative, cette parole puissante, cette parole efficace. Nous voulons la méditer en famille, individuellement, en tant que serviteur, en tant que chrétien, en tant que fidèle. Nous voulons chaque jour être dans ta présence, rechercher la connaissance de ta parole, rechercher à découvrir quelque chose de nouveau pour pouvoir marcher fidèlement, pour pouvoir agir fidèlement, pour marcher dans la foi, pour être des conquérants, pour être des héros, pour être des hommes de foi, pour détruire les œuvres du diable, pour avancer avec toi, pour être des hommes équilibrés, pour que chaque jour, nous sachions ce qu'il convient de faire avec la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous interpelle, qui nous donne de nous corriger, qui nous donne d'agir. Merci pour cette révélation de ta parole. Merci pour les oracles, comme Paul pouvait dire. Priez pour moi, pour que l'Esprit me soit donné, afin qu'en ouvrant la bouche, oui, j'annonce la parole avec puissance et autorité. Seigneur, que notre parole ne se repose pas sur les discours persuasifs des hommes, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Merci pour la puissance de la parole qui agit dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour le feu de l'Esprit qui agit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre rendez-vous bonheur conjugal de ce samedi 29 novembre à partir de 17h au supper. Nous allons commencer une série d'enseignements sur comment éviter les mauvais départs pour réussir votre futur mariage. Nous allons commencer la mise en place à partir de 16h30. Soyez à l'heure et nous passerons des moments intenses de prière. L'entrée est libre. Au revoir et à la fois prochaine.